Voici le premier tête-à-tête entre Sylvia, la prétendue Lisette, et Dorante, le prétendu Bourguignon, qui vient de se présenter au père et aux frères de Sylvia en la présence de Sylvia elle-même. Lorsque les personnages parleront en aparté, j'abaisserai légèrement la voix. Ce garçon-là n'est pas sot, et je ne plains pas la soubrette qu'il aura. Il va m'en conter, laissons-le dire, pourvu qu'il m'instruise. Cette fille m'étonne. Il n'y a point de femme au monde à qui sa physionomie ne fît honneur. Faisons connaissance avec elle. Puisque nous sommes dans le style amical et que nous avons abjuré les façons, dis-moi, Lisette, ta maîtresse te vaut-elle? Elle est bien hardie d'oser avoir une femme de chambre comme toi. Bourguignon, cette question-là m'annonce que, suivant la coutume, tu arrives avec l'intention de me dire des douceurs. N'est-il pas vrai? Ma foi, je n'étais pas venu dans ce dessein-là, je te l'avoue. Tout valet que je suis, je n'ai jamais eu de grande liaison avec des soubrettes. Je n'aime pas l'esprit domestique. Mais, à ton égard, c'est une autre affaire. Comment donc? Tu me soumets. Je suis presque timide. Ma familiarité n'oserait s'apprivoiser avec toi. J'ai toujours envie d'ôter mon chapeau de dessus de ma tête. Et quand je te tutoie, il me semble que je joue. Enfin, j'ai un penchant à te traiter avec des respects qui te feraient rire. Quelle espèce de suivante es-tu donc, avec ton air de princesse? Tiens, tout ce que tu dis avoir senti en me voyant est précisément l'histoire de tous les valets qui m'ont vu. Ma foi, je ne serais pas surpris quand ce serait aussi l'histoire de tous les maîtres. Le très joli, assurément. Mais, je te le répète encore, Bourguignon, je ne suis point fait aux cajoleries de ceux dont la garde-robe ressemble à la tienne. C'est-à-dire que ma parure ne te plaît pas? Non, Bourguignon. Laissons là l'amour et soyons bons amis. Rien que cela? Ton petit traité n'est composé que de deux clauses impossibles. Quel homme pour un valet! Il faut pourtant que ce traité s'exécute. On m'a prédit, Bourguignon, que je n'épouserai jamais qu'un homme de condition, et j'ai juré depuis de n'en écouter jamais d'autre. Parbleu, cela est plaisant. Ce que tu as juré pour homme, je l'ai juré pour femme, moi. J'ai fait serment de n'aimer sérieusement qu'une fille de condition. Ne t'écarte donc pas de ton projet, Bourguignon. Je ne m'en écarte peut-être pas tant que nous le croyons. Tu as l'air bien distingué, et l'on est quelquefois de condition, sans le savoir. Ah ah, je te remercierai de ton éloge, si ma mère n'en faisait pas les frais. Eh bien, venge-t'en sur la mienne, Lisette, si tu me trouves assez bonne mine pour cela. Il le mériterait. Mais ce n'est pas là de quoi il est question. Trêve de badinage. C'est un homme de condition qui m'est prédit pour époux, et je n'en rabattrai rien. Parbleu, si j'étais tel, la prédiction me menacerait. J'aurais peur de la vérifier. Je n'ai point de foi à l'astrologie, mais j'en ai beaucoup à ton visage. Il ne tarit point. Finiras-tu, Bourguignon? Que t'importe la prédiction, puisqu'elle est exclue? Lisette, elle n'a pas prédit que je ne t'aimerai point. Non, mais elle a dit que tu n'y gagnerais rien, et moi, je te le confirme. Tu fais fort bien, Lisette. Cette fierté-là te va à merveille, et quoi qu'elle me fasse mon procès, je suis pourtant bien aise de te la voir. Je te l'ai souhaité, d'abord que je t'ai vue. Il te fallait encore cette grâce-là, et je me console d'y perdre, parce que tu y gagnes.